Bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à l'inconduite de partie. Ça va bien Pierre-Luc? Ça va bien toi? Écoute, non, je te dirais que ça va pas super bien. Je l'ai mal pris hier, le Grand Prix, que Montréal perd son Grand Prix. Je trouve ça tough un peu. C'est sûr que ça fait mal. On a tout le temps des très très bons Grands Prix à Montréal. Puis je pense que c'est vraiment une claque d'en face là, de pouvoir de perdre là, ce beau Grand Prix-là. L'argent qui mène le monde, comme d'habitude. Hein? C'est plus le rendu de la fédération... du monde, c'est vraiment rendu la fédération européenne, je te dirais. Même européenne de l'Asie, là, parce que Silverstone aussi va perdre son Grand Prix, puis ça va pas bien en France. Alors, cette semaine, dans la conduite de partie, nous avons notre tout premier spécial de l'année. L'hiver arrive, la neige aussi, c'est le hockey qui commence. Plus particulièrement celui des Patriotes. On va donc recevoir en studio deux joueurs des Patriotes, Monsieur Nicolas Caouette et Monsieur Maxime Laramé, deux joueurs de quatrième année. Si t'as pas manqué, ça va être vers 16h17 environ. Tout d'abord, dans les actualités cette semaine. Chez les Patriotes, hockey, c'était le début de la saison au hockey. Victoire de 3-2 des Patriotes sur les Griffons de Guelph. Les deux équipes se sont grandement étudiées durant les deux premières périodes, alors qu'aucun but n'a été compté. Toutefois, le jeu s'est ouvert en troisième période, alors que M. Nicolas Caouette, justement, a ouvert le pointage à 6 minutes 13, assisté de Guillaume Chicoine. Guelph a répliqué avec deux buts, Matthew Beck et Michael Nelson. Toutefois, on a ouvert la machine en fin de partie pour les Patriotes. Deux buts sur les avantages numériques, Jean-Sébastien Breton à 17 minutes 3. Et finalement, à 19:46, alors que Guelph est en pénalité pour interférence sur le gardien, M. Tommy Lafontaine des Patriotes est venu compter pour donner la victoire aux Patriotes. Jean-Christophe Blanchard était devant le filet pour les Patriotes. D'ailleurs, grâce à ce but, Tommy Lafontaine se mérite le joueur de la semaine. Hier soir, les Patriotes étaient en action à Ottawa et c'est une victoire de 6-2. Une bonne partie de la part des Patriotes. On a joué avec intensité. On est fiers, ça va bien. La saison a bien commencé. Au soccer, les équipes recevaient Sherbrooke vendredi soir ici au Caps. Chez les hommes, c'est un match nul de 2-2, quand même une bonne performance. Ghislain Tapsoba est l'auteur des deux buts chez les hommes. Les filles ont vécu une défaite plutôt cruelle, on dirait, avec un match de 2-1, une défaite. On dit que les filles ont fourni un bon effort toutefois, mais ça n'a pas été encore assez. Jessica Levallée a marqué le but pour les Pats. Dimanche à McGill, les hommes et les femmes affrontaient les Redmonds. C'est une défaite de 2-0 chez les hommes. Chez les femmes, ça a vraiment pas été facile. On parle de la pire performance de la saison de leur part. Elles se sont inclinées par la marque de 7-0. La gardienne a été laissée à elle-même. Chez les Cataractes étaient à l'œuvre dans les Maritimes cette fin de semaine. Donc loin de Shawinigan, 3 matchs en 3 soirs. Contre les Sea Dogs de St. John, ça a été une victoire de 3-1. Alors que 3 points pour Cédric Lalonde McNichols. Vendredi soir à Moncton, les Cats ont été défaits 4-2. Il faut dire que Moncton sont sur une lancée, 7e victoire de suite. C'était pas facile comme match, c'est pas grave, on va surprendre parce qu'ils se reprenaient justement le lendemain, samedi soir. L'équipe était à l'Île-du-Prince-Édouard contre le Rocket. Puis les patates de l'endroit ont vraiment donné de l'énergie aux joueurs qui l'ont emporté 7-4. La Londres McNichol continue sa lancée, récoltant 4 points, tout comme Pierre-Alexandre Vandal. Donc, c'était une bonne semaine pour les Patriotes au hockey, bonne semaine pour les Cataractes aussi. On s'en va en musique maintenant avec le groupe MAP qui, malheureusement, est disparu cette fin de semaine. Ils ont donné leur dernier spectacle. On s'en va écouter la masse critique de l'album La Masse Critique. Voici la chanson Ya Basta. Plus en plus C'était MAP avec la chanson Ya Basta. La saison des Patriotes de l'UQTR s'est amorcée samedi dernier face à l'Université de Guelph par une victoire de 3-2. Comme à chaque année, les Patriotes représenteront une force dans la SIC, dans la conférence de l'Ontario, et seront des forts prétendants au titre, comme je disais. Hier soir, ils étaient en action face aux GGs d'Ottawa. Comme je disais, le match est soldé 6-2. Pour nous en parler, pour discuter de la saison complète, je reçois en studio aujourd'hui M. Maxime Laramé, M. Nicolas Caouette, deux joueurs de l'équipe. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bon matin. Ça va bien? Oui, merci de nous accueillir. Ça nous fait plaisir. Le voyage n'a pas été trop difficile à Ottawa hier soir? Bon, ça fait du bien d'être revenu. Ça fait du bien d'être revenu. Mais ça, des voyages de même, au moins, c'est bon pour l'équipe, j'imagine, tu sais, passer du temps ensemble. C'est sûr qu'après une victoire, ça passe toujours plus vite, mais ouais. Quand tu perds, on dirait que c'est deux fois plus long le retour du voyage. Mais non, ça a bien passé. Ça a bien été. Vous êtes revenu à quelle heure hier soir? Une heure trente. Est-ce qu'il y en avait beaucoup qui avaient des courses ce matin? Oui, il y en avait une dizaine, je pense. Une dizaine, fait quoi? Des fois, c'est difficile pour ça, c'est clair. Ben écoute, c'est pas pire qu'une soirée à chasse-galerie, là. On sait pas, on y va pas à chasse-galerie. Non, c'est vrai, pas le temps. Les études, tout ça, là, c'est plus difficile un peu de faire ça. Écoutez, les gars, j'aimerais ça savoir un peu votre passé dans le hockey, bien vite, là, pour avoir accédé ici au Patriotes. Où est-ce que vous avez joué, Maxime, toi? Moi, j'ai joué Junior 3A. J'ai joué une saison avec Nicolas à Contrecoeur, puis ensuite j'ai été échangé à Terrebonne, puis j'ai joué mes deux dernières saisons junior à Terrebonne. OK, puis toi Nicolas? Moi j'ai joué 18-19 ans dans l'Ouest à Victoria puis à Penticton, puis j'ai terminé l'année, comme Maxime disait, à 20 ans à Contrecoeur. OK. T'étais allé aux États-Unis, toi aussi? Oui, j'ai fait un an dans une université américaine, puis je suis revenu au Québec après. C'était quoi? C'était-tu dans la NCAA? Oui. OK, avec qui? New England College. OK. Puis si t'avais à comparer la NCAA puis ici, c'est quoi tu dirais comme différence? Ben, depuis qu'on est avec les Patriotes, on fait des parties hors concours contre les équipes de la Division 1 dans la NCAA. Ça se ressemble quand même beaucoup. C'est sûr que les joueurs là-bas sont plus jeunes que nous. Nous autres, on a peut-être 3-4 ans de plus, là. Mais c'est un très bon calibre. Justement, en octobre, on s'en va faire un voyage, là, trois parties, là, contre Brown, Harvard puis Dartmouth. Donc, c'est toujours quand même intéressant de pouvoir comparer les deux équipes, là. Ça se pourrait-tu que la différence soit au niveau des joueurs de, sans dire joueurs de haut niveau, les joueurs clés dans certaines équipes qui ont, en tant que ce joueur-là, un petit peu plus de talent que dans la ligue ici? Tu sais, mettons, je vais prendre un nom, même Max Pacioretty, tu sais, il y en a une couple qui jouent dans l'NCAA qui vont faire la Ligue nationale, tandis qu'ici, c'est un petit peu plus dur d'accéder aux pros parce que vous êtes plus vieux en tant que tel. Ouais, c'est un peu deux cultures différentes, mais si, exemple, on regarde notre équipe, il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont été repêchés soit dans la Ligue nationale ou qui ont fait des camps professionnels. Sauf que, comme tu disais, là, les équipes de la NCAA, souvent, ils se font repêcher très jeunes, puis ils finissent, exemple, leur bac, puis ensuite, ils vont dans leur équipe professionnelle. Là, ça dépend des cas. Mais je te dirais qu'on a des joueurs, nous autres aussi, qui pourraient facilement jouer là, dans NCAA. Là. Ah oui, ça, je n'ai même pas regardé ça. Même, on avait Frédéric Saint-Denis qui jouait avec l'équipe cette année, que malheureusement, on a perdu pour les pros. Hein. C'est d'un côté, c'est plate, mais de l'autre bord, écoute, c'est normal en tant que tel, que quand une chance de même s'ouvre... On saute dessus, comme on dit. Ouais, ben Frédéric a quand même hésité là à revenir avec nous. Il a finalement signé à Hamilton, mais ouais, c'est sûr qu'une opportunité comme ça, ça se refuse pas. Puis on lui souhaite bonne chance. Ouais, c'est sûr. Justement, à propos du sujet, sur ce sujet-là, puis aussi sur la question, je vous coupe les gars, je vais faire rentrer un troisième intervenant de votre équipe, André Joannis, qui est défenseur dans l'équipe. Je me suis entretenu avec lui mercredi dernier, lors de la partie contre les Stingers de Concordia, partie hors concours. On va écouter ce qu'il avait à nous dire sur la saison, sur le départ de Saint-Denis, puis sur les conditions de glace aussi au Colisée de Trois-Rivières. Défaite contre les Stingers 2-1. Écoute, tu me dis que les conditions de la glace n'étaient pas fameuses ce soir? Alors c'est sûr que les conditions de la glace, c'était pas fameux, mais les deux équipes jouaient sur la même glace. Là. Faut juste prendre avantage des opportunités qu'on avait. On avait plusieurs, puis c'est sûr qu'il faut travailler là-dessus avant samedi, avant le match d'ouverture. Justement, parlant du match d'ouverture contre Guelph ce samedi, On s'attend à quoi contre Guelph environ? Est-ce qu'on connaît un peu l'équipe ou on y va un petit peu dans le fond? On va apprendre à les connaître en première, puis après ça, on va voir le reste pendant le reste de la game? Bien sûr qu'on va apprendre à les connaître. On les voit deux fois par année, puis les équipes ont tendance à changer beaucoup de joueurs d'année en année. Mais il faut pas vraiment se concentrer sur eux autres parce que c'est nous autres qui on est supposé d'être la meilleure équipe dans cette ligue-là. Donc c'est nous autres qui imposent le tempo. Faut jouer comme on est capable de jouer, puis on n'aura pas de problème. Comme tu dis, vous êtes l'équipe favori dans la ligue. Par contre, vous venez de perdre un gros morceau, Frédéric Saint-Denis, qui est parti chez les pros. Toi qui es un des défenseurs clés de l'équipe, ton rôle va être vraiment agrandi. À quoi tu t'attends pour justement contrecarrer cette perte? Mais c'est sûr qu'on veut pas remplacer Frédéric. C'est un gros morceau à l'attaque, puis défensivement aussi. C'est pas pour rien qu'il est rendu maintenant avec les professionnels. Je pense pas que c'est à un joueur de prendre la place à Fred. Ça va être un ensemble défensif. On a quand même une bonne défensive en place. Puis chaque gars, si chaque joueur à la défensive donne un peu plus, mais on va être en mesure de le remplacer adéquatement, mais sans le remplacer complètement. C'est bon. Ben, en tout cas, ce soir dans le game, c'était quand même serré au niveau défense, même si on dit que la puck revenait un peu partout. Qu'est-ce qu'on s'attend pour cette saison dans la ligue? Dans le fond, comme tu as dit, vous êtes une des meilleures équipes. Est-ce qu'on y va pour le titre? Ben, c'est sûr que nous autres, notre objectif, c'est pas de faire les séries, c'est de gagner les séries. Puis on rentre toujours avec cet objectif-là. Puis on y va pour le titre. On est là pour ça. Tout le monde veut gagner ici. Puis on s'est entraîné tout l'été pour ça. Fait que je verrais pas pourquoi qu'on n'essaierait pas. C'est bon. En tout cas, vous êtes bien placé. Je te remercie beaucoup, André. Alors, c'était André Joannis, des Patriotes, qui nous donnait ce qui s'attend pour la saison. Justement, Nicolas, Maxime, à quoi est-ce qu'on s'attend pour cette saison? On a une bonne équipe cette année. Ben, en fait, comme à presque toutes les années, c'est sûr qu'on a toujours un objectif en commençant la saison, puis c'est aller au championnat canadien. C'est ce qu'on veut. Oui, à chaque année, l'objectif principal, c'est d'aller au championnat canadien. L'année passée, on a eu une grosse déception, il n'y a pas été. Mais cette année, je pense que l'équipe est bien balancée, un beau mélange de recrues et de vétérans. Je pense qu'on pourrait causer bien des surprises si on continue comme ça. Là. Donc, si on avait ça, comme tu dis, beau mélange, recrues, vétérans, comme on sait, là, dans les équipes collégiales, ben universitaires, c'est des cycles, dans le fond. Il y en a qui partent, il y en a qui reviennent. Contrairement à une équipe professionnelle, si on avait à se situer au niveau du cycle, là, est-ce qu'on est, je pense pas qu'on est en reconstruction, c'est pas le mot que ça veut dire. Est-ce qu'on est au top de ce qu'on pourrait être, ou est-ce qu'on est un petit peu plus faible que l'an passé, ou on va être encore plus fort l'an prochain, ou environ, je veux pas... Ben, ça varie pas mal à chaque année. Je te dirais, reconstruction, c'est un mot qui ne fait pas souvent partie d'université parce que t'es là pendant 4 ans, donc ça roule, il y a toujours des gars qui partent, il y en a qui arrivent, donc ton noyau de joueurs reste toujours intact. Pour ce qui est de l'année prochaine, ça c'est toujours quelque chose d'inconnu parce qu'on sait pas s'il y en a qui vont signer ailleurs, s'il y en a qui vont rester, s'il y en a qui vont faire une année de plus à l'université. Donc c'est toujours un peu sur le qui-vive durant la période estivale, là, à savoir qui revient et qui revient pas, là. C'est souvent à recommencer à chaque début de saison, voir qui est resté de l'année passée, qui s'en vient. C'est dans le recrutement, puis c'est dans l'intention des gars là, de continuer leurs études ou d'aller jouer ailleurs. Donc, dans le fond, c'est de refaire un petit peu la chimie à chaque année, mais avec un bon noyau déjà préétabli. Exactement. C'est bon. Dans les recrues, qui est-ce qui va faire un gros impact? Là? À qui qu'on peut s'attendre, là, qui vous a surpris dans le camp? Vous les connaissez peut-être pas, là, mais qui vous croyez va être un bon joueur pour les Patriotes cette année? Personnellement, j'ai été impressionné par l'attaquant Francis Charland. J'avais entendu un peu parler de lui. Il sortait du junior 3A. Il a des belles qualités offensives, puis il est intense. Puis hier, il a marqué un beau but hier. Donc moi j'attends de belles choses de Francis. Ouais, c'est vrai, Francis. Bonne recrue, puis faudrait pas négliger aussi nos deux gardiens qui viennent d'arriver, là, JC Blanchard puis Michael Dupont. Les deux ont goalé des parties incroyables là, à UNB justement. Puis je pense qu'on a deux très bons gardiens numéro un. Donc si t'as un bon goaler, je pense que tu peux aller loin au hockey. Puis je pense qu'on est chanceux en ayant deux bons gardiens de cette trempe-là. Là. Eux autres, ils arrivent du junior, si je me trompe pas. Oui. Je pense Blanchard, il était à... Rimouski. Ouais, ok, ça se peut. Donc, deux goalers recrues. Est-ce qu'on a une bataille au niveau du poste de gardien numéro un ou on se sépare la tâche ou que D'habitude, on joue deux matchs en une fin de semaine. Donc, Jusqu'à présent, ils ont joué un match chacun. Je pense que c'est quand même balancé, là. Ouais, c'est partagé. Mais non, on sait pas. En fait, c'est à eux de prouver qui est le numéro un. Mais je suis pas inquiet avec ça. Je pense qu'il y a une belle une compétition qui est saine entre les deux. Là. Il y a pas il y en a pas un qui pousse plus que l'autre. Là. Les deux ils ont l'air à s'entraider. Puis c'est le fun de voir deux gars qui veulent avoir le filet puis qui s'entraident comme ça dans les pratiques. Là. Je pense que ils vont continuer à alterner étant donné que les deux là, jouent très bien en ce moment. Là. Ben c'est le fun de voir au moins que la chimie d'équipe est vraiment là. Parlant de ça, hier soir à Ottawa pour contre les GGs, ça s'est fini 6-2. Comment s'est déroulée la partie un peu? Tout a bien été ou? On a pris l'advance de tôt dans le match. Après ça, on a bien joué, on a été intense. C'était un peu ça qu'on nous reprochait, là, pas être intense devant le filet. On a fait des buts là, autour du filet. Ça s'est bien déroulé. Oui, la discipline, ça a vraiment été notre point fort hier. On a eu 4 buts en avantage numérique. Donc, l'avantage numérique a très bien fonctionné. Puis, on a eu 2 buts à 5 contre 5. Là, c'était... tu sais, on a capitalisé pas mal sur la discipline des GGs. Là. Justement, en fin de partie, ça s'est fini, sans dire dans la... C'est pas une foire, là, mais ça s'est fini un petit peu plus intense. Bon, on peut peut-être en parler à Nicolas. Ouais. Ouais, j'étais un petit peu un acteur principal. Non, mais c'est des choses qui arrivent. On savait quand c'est devenu 5-6-2 que c'était pour brasser un petit peu. C'est dommage un peu qu'on assiste à des gestes comme ça. Parce que on veut attirer le plus de foule possible. Mm-hmm. Puis souvent, les gens sont tannés de voir de la violence comme ça. Mais c'est des choses qu'on s'attend, surtout contre Ottawa. Ils étaient chez eux, déjà qu'ils perdaient beaucoup la face en se faisant battre comme ça. Ils ont décidé de jouer la carte de la frustration. Mais on n'a pas le droit de jeter les gants, donc ça n'a pas fait peur à grand monde hier. Je vais peut-être juste préciser qu'est-ce qui est arrivé exactement. C'était juste du poussaillage ou... Ouais, j'ai reçu, disons, 3-4 coups de poing, là. Mais ça m'a réveillé pour okay, mon voyage. Ouais, ça... La bière est meilleure en redescendant, j'imagine, avec ça. Là. On le sait pas, ça. OK, je dis excuse. Le Powerade. Vos quartiers d'orange aussi. Le Coke, Powerade, okay, bon. Quartier d'orange, c'est bon. Avec les marraines, non, ça, c'est une couple d'années. Justement, c'est au niveau style de jeu, au niveau robustesse, comme on dit, on n'a pas le droit des bagarres dans la ligue. Est-ce que c'est plus rude en Ontario par rapport à ici? Est-ce qu'il y a des différences au niveau du style de jeu ou c'est très semblable? Ben, il y a quand même des rivalités, là, nous, avec McGill puis avec Concordia. Aussi avec Ottawa, hein, puis, ouais. Fait qu'on peut pas vraiment comparer les deux, là, versus l'Ontario. Parce qu'on considère quand même qu'Ottawa, c'est dans notre ligue au Québec. Ouais, mais, ouais. Non, quand on va, par exemple, à Toronto ou ailleurs, ça, c'est pas si robuste que ça. Là. Non, ça dépend des équipes, là. Mais je te dirais, des fois, l'arbitrage est un petit peu différent. Il faut s'adapter au style ontarien puis au style québécois. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas de coup là, qui est vicieux. C'est quand même assez respecté. Là. C'est bon, c'est bon. On va maintenant passer à une pause, mais au retour de la pause, on continue notre entretien avec les joueurs des Patriotes, M. Nicolas Caouette et M. Maxime Laramé, sur les conduites de partie sur C'est fou. Attention, attention! Tous les véhicules immatriculés au Québec devront être munis de pneus d'hiver entre le 15 novembre et le 15 avril. Donc, n'attendez pas pour vous rendre à votre magasin Canadian Tire. Allez voir les spéciaux en magasin sur les différentes promotions sur les pneus d'hiver ainsi que sur toute la marchandise hivernale. Commencez l'hiver du bon pied avec votre magasin Canadian Tire. Vous êtes étudiant de l'UQTR? Venez visiter la bibliothèque de l'université. Elle regorge de documents scientifiques qui vous aideront dans vos travaux. De plus, un personnel compétent y est disponible pour répondre à tous vos besoins. Consultez notre catalogue, nos bases de données et la plupart de nos périodiques ou encore renouvelez vos emprunts, le tout directement de chez vous. Venez visiter notre site web au www.uqtr.ca/biblio. La bibliothèque de l'université, il n'y a plus de raison de s'en passer. À lire dans cette édition de votre journal Zone Campus. Actualité. Élection 2008. Grand débat à C'est fou et à la Chasse Galerie. Art et spectacle. Cindy Bédard, une cowgirl dans la cour des grands. Sport, début de la saison des équipes des Patriotes soccer masculin et féminin. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Hey Mike! Viens-tu dîner avec moi ce midi? Ben oui, où est-ce qu'on va? Je le sais pas. Veux-tu aller chez Mia Pasta? Ah, je connais pas. C'est un nouveau concept de bar à pâtes. Il y en a un dans le Quiznos, juste à côté. Parfait, je t'invite. Pourquoi tu ris? C'est juste qu'en ce moment, il y a un 2 pour 1 au Mia Pasta et au Quiznos. Ah, ben raison de plus pour t'inviter. Mia Pasta et Quiznos, 3544 Boulevard des Forges, l'après-cour par excellence. Depuis 10 ans, c'est fou dans vos oreilles. 89.1. Et vous écoutez l'inconduite de partie, il est présentement 9h32, 45 secondes. On est avec Maxime Laramie, Nicolas Caouette, à ma gauche, puis Luc Giroux, mon co-animateur de toujours, pour parler du début de saison des Patriotes. Donc, on parlait, comme on disait, les joueurs sont de retour d'Ottawa ce matin après un match hier soir. Est-ce que, les gars, c'est facile, c'est difficile? Comment qu'on fait avec ça pour les longs voyages? Vous allez jusqu'où à peu près en Ontario? Je te dirais qu'on va peut-être l'autre bord de Toronto. OK. Le plus long voyage, je te dirais, ça prend environ 8-9 heures là, à aller là-bas. Là. Dans l'ensemble, quand on regarde la cédule des Patriotes, je pense qu'on a environ 4 gros voyages là, à planifier là, durant qu'on part là, pour 2-3 jours. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on avertit nos profs pour dire qu'on va manquer... des cours. Puis la façon que ça fonctionne, on est assis dans l'autobus, on regarde des films, on joue aux cartes, on dit des niaiseries. Je dis des niaiseries. Est-ce que les professeurs sont quand même assez compréhensibles face à ça? Oui, souvent ils sont très conciliants. Ils comprennent, ils savent que on est des étudiants, mais on est aussi des athlètes. Puis il y a quand même une grande renommée là, avec les Patriotes, donc ouais, on joue bien avec ça. J'ai jamais eu de problème avec ça. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui le disait à mes professeurs, donc ça l'aide là, quand le prof le sait. Là. Mais je te dirais, dans l'ensemble, dans la grande majorité, il n'y a jamais eu de problème. Là, question anyway, je pense pas qu'il pourrait faire grand-chose. Il pourrait pas nous... De toute façon, je pense que c'est important de soutenir les équipes de sport. Là. Exactement. Tu sais, puis pas juste le hockey, même si c'est une compétition de natation ou peu importe. Moi, je trouve que c'est important de soutenir le sport universitaire. Là. Peu importe, c'est ça. Oui, justement, c'est ça. On disait, vous allez loin. Quand vous allez loin, c'est des voyages. On part le vendredi, le jeudi. Tout dépendant. Là. Souvent, par exemple, si on va à Toronto, on va partir le jeudi. Ouais. Sinon, on va à Kingston aussi. Si on risque de partir la journée même. Mais c'est souvent bien planifié. On n'a pas beaucoup de temps libre. Puis, c'est ça. Tout est organisé. Organisé. Ouais. Est-ce qu'on... Parce que là, admettons, on s'en va à Toronto, 2 matchs à Toronto, je pitch demain, mettons York puis Ryerson. On dort à Toronto, est-ce qu'on dort à l'hôtel? On doit pas dormir dans les autobus, j'imagine. Ouais, non, on dort à l'hôtel. On dort à l'hôtel. Oh. Ouais, on cohabite avec souvent nos partenaires de ligne où les duos défensifs sont ensemble. Puis c'est là qu'on apprend, à se connaître, puis on a bien du plaisir sur la route. Non, Nicolas mais... dit beaucoup de niaiseries. le clown de l'équipe, un peu. Ah, oh, ouais. Dire. La ligue aussi. La ligue, ok. Tu une grande gueule, un peu, sur la glace? On pourrait décerner le prix à Jonathan Boutin. Là. Pour la grande gueule, il laisse pas sa place. C'est, non. C'est un type assez extraordinaire là-dessus. Ouais, il y a une belle voix, là, un peu fatigante. Ok, ouais. Ok. Si on avait comparé, mettons, là, avec un joueur de Ligue nationale, il va pour Sean Avery ou Darcy Tucker? Ah non, mais il est pas aussi tough. Non, c'est ça, il est pas aussi intense. Là. Ok, non, non, ok. Non, un joueur de finesse, mais... Avec un franc parler. Ouais, c'est ça. Avec beaucoup de vocabulaire limité dans ses propos-là. Puis il parle-tu en anglais, j'ose espérer? Oui, oui, oui. Ok, oui, ok. Il est capable de faire ça en anglais aussi, ouais. C'est intéressant. C'est un joueur polyvalent, ouais. Comme on dit. Là. Ouais. Bilingue. Il est-tu meilleur en anglais? Non, je pense pas qu'il meure en anglais. Non. justement, là, on parle de ça. On disait, on est co-chambreur avec les gars de trio, tout ça. Ça ressemble à quoi, les trios, cette année? Je pense que le premier va être patrouillé par Demers. Exactement. Alexandre Demers, qui fait sa deuxième année. Les autres trios, ça va ressembler à quoi environ? La deuxième puis troisième ligne est quand même bien équilibrée. Nicolas est au centre de la deuxième ligne présentement. Ses alliés, je m'en souviens pas. Steve Bellefleur, puis Jean-Sébastien Breton. Okay. Puis ensuite, on a Éric Patate-Baudin avec Monsieur Charlin, justement, et qui donc? Samuel Bellin, notre coloc. Ben ouais, oui, Samuel Bellin. Qu'on salue, justement. Là. Bel homme. Puis on a comme le... Ça a mal sonné, hein, ça? La quatrième ligne, ben, il y a Max avec... je vais te laisser les dire. Mathieu Simoneau. OK. Puis la recrue Étienne Bellavance. OK, OK, OK. Donc, on regarde ça, les leaders cette année? Mathieu Gravel. À part Nicolas, là. Ouais, c'est ça. Mathieu Gravel. Capitaine. Ouais, rendu capitaine à sa quatrième année. Jusqu'à présent, il fait du très bon travail. Oui. Tommy Lafontaine qui est revenu, qui a décidé de revenir pour une quatrième année. Aussi un bon leader. Joueur de la semaine en passant pour tout le monde qui n'a pas écouté au début. Là, joueur de la semaine, Tommy, grâce à son but qui nous a donné la victoire ce samedi dernier. Sinon, Nicolas Caouette, Nicolas Desilets, les troisième, quatrième années. Il n'y a pas vraiment de... Tout le monde s'entraide. Puis tout le monde, quand quelqu'un a quelque chose à dire, il le dit. Mais comme il disait, là, Mathieu, c'est notre capitaine. C'est notre leader depuis sa quatrième année. On a ensuite les assistants Nick Bizlet, Joe Boutin puis Alex Damers. Nous autres, même si on n'a pas de l'air des troisième et quatrième année, on a toujours notre mot à dire. Ben puis non, c'est un beau mélange là, de leadership là, dans la chambre. Là. C'est bon, c'est bon. Si on avait une chose à souhaiter pour l'équipe, par exemple, là, au complet, là, peu importe ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on aimerait qui change, qu'est-ce qu'on aimerait de différent ou de plus positif, peu importe. Jusqu'à présent, ça va bien. Deux victoires en deux matchs. Souvent, on regarde puis on veut se rendre au championnat canadien, mais l'important, c'est peut-être d'y aller un match à la fois, puis se préparer pour chaque match. Mais aller au championnat canadien, ça serait une belle expérience à répéter. Oui, j'aborde dans le même sujet que ça. Moi, si j'avais de quoi souhaiter pour les Patriotes, puis là, je parle aux gens qui nous écoutent, et même aux gens qui nous écoutent pas, je vais parler un petit peu plus fort d'abord. Plus de spectateurs. Je regardais les foules au Colisée de Trois-Rivières, puis je trouve ça, parfois, là, je comprends pas. Je trouve pas ça décevant, je comprends tout simplement pas. C'est une équipe qui, année après année, est compétitive, puis les foules, c'est il devrait en avoir pas mal plus de trifluviens à l'aréna. Personnellement, c'est ça qui m'échappe, c'est ça que je comprends pas, parce que c'est un calibre de jeu qui est très, très bon. Puis tant qu'à moi, c'est un produit qui est plus familial que le Coron et Gay de Trois-Rivières. Coron et Gay, un petit peu plus de brasse camarade. Comme on disait à Trois-Rivières avec l'UQTR dans la Ligue universitaire, il n'y a pas de bataille, mais c'est du jeu robuste, c'est du jeu de haute qualité. Personnellement, comme je dis, je vais parler très fort, mais c'est important de soutenir notre équipe, c'est important de soutenir les Patriotes. C'est mon avis là-dessus. Je pense que c'est partagé par mon coéquipier. Ça, c'est certain. Donc, c'est ça. Je pense qu'on parlait d'un maximum de 700 personnes à peu près par partie. C'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Vous autres, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous pensez que les partisans vous soutiennent? Est-ce que vous avez une bonne foule derrière vous? On va en entendre parler un peu. Ben, je pense que les partisans qui viennent, c'est sûr qu'ils nous soutiennent comme il faut, mais ouais, il manque peut-être une centaine de spectateurs là dans les estrades. C'est sûr que c'est difficile pour les étudiants à Trois-Rivières. Bon, la fin de semaine, les étudiants retournent chacun chez soi. Il y a moins d'étudiants qui restent sur le campus pendant la fin de semaine. Lorsqu'on joue le mercredi à l'aréna, il y a quand même beaucoup de spectateurs. Pour les fins de semaine, là, c'est peut-être ça que le problème. Là. Il y a peut-être pas assez d'étudiants qui restent ici les fins de semaine. Est-ce que ça serait quelque chose à envisager d'avoir plus de matchs les semaines? Ben, depuis que je suis arrivé, ça a augmenté. Là. Ah ouais? On avait peut-être 2-3 matchs par saison pendant la semaine, le mercredi. Là, ça a augmenté. Je sais pas combien il y en a cette année, mais il y en a au moins... Le prochain, le 22 octobre, si je me trompe pas. C'est une partie hors concours, je crois, contre Moncton ou... Non, c'est dimanche. Ouais. Ça, c'est dimanche? Ouais, c'est okay, dimanche. Excusez. Bon, ben d'abord, c'est un match... Concordia, je viens de mentionner. Ouais. C'est contre Concordia le 22 octobre. Ouais. mercredi. Donc, écoutez, c'est un soir de semaine. Même les étudiants peuvent aller voir ça. 10h, 10h15 max, si Nicolas a fait aller sa bouche, ça va être terminé la game. Je vais faire exprès pour pas parler. Comme ça, Vous allez pouvoir aller à la chasse-galerie. C'est ça, la chasse-galerie. Hey, on finit ça à la chasse-galerie. On a du plaisir au 10-12 même qui est ouvert. Je pense que c'est un produit qu'il faut appuyer. Puis, comme je dis, c'est des gars avec qui on va à l'école. Faut vraiment donner un maximum d'appui. On veut que ça marche fort, les Patriotes. Puis je pense que les gars donnent un effort très, très, très grand, que ce soit pendant les parties ou pendant les matchs, même dans leurs études. C'est pas facile de faire avec les études puis le sport. Puis c'est quelque chose qu'on doit être très, très fier. Donc, Maxime, Nicolas, je vous remercie beaucoup d'être en studio ce matin. C'est moi qui te remercie. Écoutez, merci à vous. Donc, comme je disais, la prochaine partie des Patriotes est... Oups, excusez-moi. Vendredi. Vendredi, contre qui? Carleton. Carleton, oh, la magnifique université de Carleton. Ouais. Très joli. Ah, très joli, très joli. Un beau gros campus. Donc, la prochaine partie des Patriotes contre Carleton, vendredi, c'est ici? Ouais, au Colisée. Au Colisée. Donc, hey, manquez pas ça, tout le monde. Ça va être un très, très bon show. On s'en va maintenant à la musique avec les Vulgaires Machins, avec la chanson Mère de Fumiste. C'était les Vulgaires Machins avec la chanson Mère de Fumiste. Donc, on continue l'émission sous le thème du hockey encore une fois. Pierre-Luc, qu'est-ce qui s'est passé dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec et avec les Cataractes cette semaine? Oui, Nick, donc je vais faire un court résumé des actualités de cette semaine dans la Ligue junior majeur du Québec. Tout d'abord, parlons des Screaming Eagles du Cap-Breton qui se sont emparés du premier rang au classement général la semaine dernière avec des victoires de 5-0 face aux Maniacs vendredi et 6-2 samedi au Cap-Breton. Et une victoire de 3-2 contre les Tigres de Victoriaville, ça s'est passé hier soir. L'équipe totalise une fiche de 9 victoires et une défaite. Ils s'étaient d'ailleurs classés au troisième rang de la Ligue canadienne la semaine dernière. Ils seront probablement encore plus haut là, cette semaine, dépassant les Wildcats de Moncton, eux qui ont subi le premier revers en fusillade face aux Sea Dogs de Saint-Jean dimanche. Mais les Screaming Eagles ne sont peut-être pas là pour longtemps, car les Wildcats ont 3 points de moins au classement, mais avec 2 matchs en main. Les joueurs qui se démarquent chez les Eagles sont le joueur de centre Chris Colligan, totalisant pas moins que 16 points en 7 matchs, 6 buts, 11 passes. C'est d'ailleurs étonnant qu'il n'ait pas été choisi ni joueur du mois, ni joueur de la semaine depuis le début de la saison. Lui qui est actuellement le troisième marqueur de la Ligue. Son coéquipier Michael Stinziani n'est pas en reste avec une contribution de 14 points dans les 9 premiers matchs de son équipe. Stinziani a d'ailleurs remporté les honneurs avec les Olympiques l'an passé, donc c'est certain qu'il doit amener beaucoup d'expérience à son équipe. Autre joueur important chez les Eagles, Nick McNeil, lui ayant le plus compté de buts de son équipe depuis le début de la saison avec un grand total de 9. Et on a eu droit à une très bonne prestation du gardien de but Olivier Roy depuis le début de la saison, lui qui n'a toujours pas subi de revers à ses 7 premiers matchs. Il a d'ailleurs été choisi joueur défensif de la Ligue cette semaine. Maintenant, parlons de nos équipes locales. Les Cataracs ont quand même très bien fait dans leur voyage dans les Maritimes en remportant 2 parties sur 3. Ils ont tout d'abord remporté une victoire de 3-1 contre les Sea Dogs jeudi. Mathieu Pistilli a été nommé la première étoile du match avec 1 but et 1 passe. Vendredi, ils ont subi un revers de 4-2 contre les Wildcats. C'est sûr que c'était quand même leur 2e match en 2 soirs, donc c'est toujours plus difficile dans ce temps-là, surtout quand on affronte un gros club comme les Wildcats de Moncton. Et ça l'a paru et qui ont été dominés une bonne partie du match. Le gardien Timo Palmeyer a quand même bien fait dans les défaites, repoussant 29 tirs. Les Cats sont arrivés gonflés à bloc dimanche à l'île du Prince-Édouard en démolissant le Rocket par la marque de 7-4. Ce sont les attaquants Cédric Lalonde, McNichol et Pierre-Alexandre Vandal qui ont été les étoiles du match, totalisant 4 points chacun dans la victoire. Les Cataracs sont de retour à la maison ce soir alors qu'ils recevront la visite des Voltigeurs de Drummondville. Ça sera un très gros match, soyez-y mes amis. Grosse partie, voir. Hein, parce que les Drummondville puis les Cataracs sont premiers et deuxièmes dans la section centrale. C'est bien ça, deux des meilleures équipes de la Ligue, je te dirais, là, pour le moment, dans la Ligue. Mais les Voltigeurs, c'est surprenant, là. On s'entend, là, on s'entendait pas les voir. Non, c'est ça, ils sont très surprenants, mais je pense que on a quand même on va avoir droit quand même un très bon match ce soir. C'est la part de, pour les Voltigeurs, la part de Kulikov, je pense. Yeah, ça c'est sûr que Kulikov très spectaculaire avec son jeu rapide et tout. Il est recru, même je pense qu'il est recru du mois, ça se peut-tu? C'est bien ça, recru du mois. Ensuite de ça, les Cats repartiront aussi vite pour la BTB alors qu'ils seront à Rouyn-Noranda vendredi et à Val-d'Or dimanche. À voir comment les Cats jouent dans les dernières semaines. Prédiction de moi-même, Nicolas, je prévois 3 victoires en 3 matchs pour nos Cataractes. On s'avance. Oh boy. Ensuite de ça, on va parler des Voltigeurs qui avaient mal commencé la semaine dernière, subissant un premier revers face à une équipe qui en arrachait jusqu'à maintenant, l'Éthique de Victoriaville. Mais se sont bien repris dans leur voyage en Abitibi, défaisant coup sur coup les Huskies et les Foreurs dans les 2 cas par la marque de 2-1. Mais c'est rien de convaincant car dans les 2 matchs, ce fut très serré. Tout d'abord, contre les Huskies, ils ont marqué 2 buts dans la 2e période. Les Huskies ont répliqué en 3e, mais les Voltigeurs ont tenu le coup. Ils ont eu besoin de la prolongation à Val-d'Or alors que Yannick Riendeau a réussi à déjouer le gardien des Foreurs, alors qu'il restait seulement 2 minutes avant la période de fusillade. En espérant que les Voltigeurs retrouvent leur foot qu'ils avaient dans les 2 premières semaines du calendrier ce soir à l'Arena Jacques Plante, parce que ça va être un peu plus difficile ce soir face aux Cataracs. Ils affronteront ensuite les Maniacs dans une série aller-retour vendredi à Lewiston et dimanche à Drummondville. Ma prévision, défaite des Voltigeurs ce soir à Shawinigan, mais ils sortiront fort face aux Maniacs qui, d'après moi, vont les battre dans les 2 matchs. T'es en feu dans tes prédictions ce matin du côté des Cataracs. Ouais. Donc, on se rappelle que t'avais prédit une bonne saison pour les Cataractes quand même. C'est ça. Donc, je continue dans ma lancée. C'était exactement ça. Je tiens à mentionner une chose. Ce soir, 19h, le match des Cataractes, c'est ce qu'on appelle la soirée 40e anniversaire. Donc, préparez-vous. Les hot dogs et les liqueurs vont être à 40 sous. On revient dans le temps. Mettez vos chapeaux, tout le monde. On va se bourrer à la face. On va se bourrer à la face, car l'inconduite de partie sera sur place. Yes. Ensuite de ça, on va parler des Tigres de Victoriaville, qui, quant à eux, ont aussi remporté 2 victoires sur une possibilité de 3, arrachant leur premier match 3-2 face aux Voltigeurs mercredi dernier. Ils ont ensuite démoli le Titan 7-1 au Colisée Desjardins samedi dernier dans un tour du chapeau du joueur de 20 ans, Maxime Tanguay. Après une aussi belle victoire, ils sont peut-être arrivés avec un peu trop d'assurance, alors qu'ils se sont fait complètement écraser à leur tour par la marque de 8-4 dans une contribution exceptionnelle de 6 points de l'ancien rempart Angelo Esposito. Les Tigres ont maintenant pris le chemin des Maritimes pour aller jouer 4 matchs cette semaine. Grosse semaine! Alors qu'ils affronteront, ils ont affronté les Screaming Eagles hier soir, défaite de 3-2. Ils affronteront les Moussets demain, les Wildcats vendredi. Et pour terminer, ils prendront le chemin de l'Acadie Batters dimanche. Ma prévision, une victoire sur 3 matchs. Encore là, une victoire, je pense que je serais bien content pour eux. S'ils réussissent à en soutirer 2, là, ça va être excellent de la part des Tigres. Pour terminer, les joueurs du mois de septembre dans la LGMQ sont du côté offensif Samson Mabot, des Voltigeurs, lui qui est le premier marqueur de la Ligue jusqu'à maintenant. Et du côté défensif, le gardien de but Nicolas Riopel des Wildcats, qui n'a toujours pas subi de revers en temps réglementaire depuis le début de la saison. Et la recrue du mois, comme on l'a dit tout à l'heure, est le joueur russe Dimitri Kulikov. On en a parlé la semaine passée, c'est tout un joueur, il y a des feintes spectaculaires, un jeu rapide. Je pense que il fera tourner beaucoup de têtes là, cette saison, j'en suis sûr. Je pense que ça sent le choix, non seulement choix de première ronde dans la Ligue nationale, mais on parle d'un top 10. Ah, d'après moi, ça va être probablement un des meilleurs russes de la Ligue, probablement peut-être après le joueur des Remparts. Ouais, encore des Remparts, arrête avec des Remparts. J'en ai pas parlé aujourd'hui. Je sais. Hey, des gros efforts de la part de Pierre-Luc. Mais je pense que, comme on dit, ses actions sont en hausse, à Kulikov. Quand il a commencé, on s'attendait à un joueur correct, mais lentement, mais sûrement, non seulement il fait sa niche dans la ligue, mais il surprend, là. Il joue très bien. Je serais pas étonné de le voir sortir très, très haut au prochain repêchage de la Ligue nationale. En tout cas, pour l'instant, je pense qu'on a vraiment du jeu exceptionnel de sa part. C'est lui qui va vraiment amener les Voltigeurs, là, jusqu'à maintenant. Ça va bien pour eux. Ben, je pense que c'est vraiment le joueur, le clé de les succès de cette équipe. Parfait, ben merci beaucoup Pierre-Luc. C'était la chronique junior majeure de Pierre-Luc. Et maintenant au calendrier pour conclure l'émission. Chez les Patriotes, on aura des parties de soccer cette fin de semaine. Chez les femmes et les hommes, ils sont ici vendredi soir au Caps. Ils vont affronter les Stingers de Concordia. Donc on souhaite bonne chance aux équipes. Et dimanche, ils seront Bishop. Ils vont jouer à Bishop contre à Lennoxville contre Bishop, donc contre les Gators. Au hockey, comme on parlait tantôt avec M. Nicolas Cahouette, M. Maxime Laramé, les Patriotes jouent au Colisée de Trois-Rivières contre... ça c'est l'accent de ma région mascoutaine. Ils vont jouer contre Carleton ici au Colisée de Trois-Rivières. En plus, ils vont jouer à Québec, mais contre l'Université de Moncton ce samedi et dimanche, une partie hors concours, encore une fois contre Moncton, mais au Colisée de Trois-Rivières, comme je disais. Et en natation pour les Patriotes, c'est la Coupe universitaire qui se déroulera à l'Université de Sherbrooke. Dans le junior, Pierre-Luc? Oui, dans la junior, donc j'ai pas mal fait le résumé des matchs cette semaine. Donc, comme je vous ai dit, les Cataracs cette semaine affronteront premièrement Drummondville ce soir. Les Maniacs dans une série aller-retour. Ensuite de ça, du côté des Voltigeurs, ils affronteront les Maniacs dans une série aller-retour et les Cataracs ce soir. Les Cataracs, quant à eux, vont affronter toujours les Voltigeurs ce soir et les Huskies et les Foreurs en fin de semaine en Abitibi. Parfait, merci beaucoup. Alors, c'est ce qui conclut l'émission. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. On aimerait dire que l'inconduite de partie, ça ne sera plus seulement une émission de radio, ça va être aussi un site internet. Vous pouvez y accéder au www.inconduitedepartie.com. Vous allez trouver tout ce que vous avez de besoin là. On va avoir des chroniques sur le hockey, sur tous les sports d'ailleurs, chroniques sur le sport professionnel et amateur. C'est un rendez-vous, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires. On s'en va maintenant en musique avec Yel et la chanson « À cause des garçons ». garçon.